Hop là, j'enregistre. Donc, Il disait qu'il n'avait rien à dire. Voilà. Et ensuite. Voilà. Et bah voilà. Bonne soirée. C'était vraiment un super plaisir de travailler sur ce moment-là et de voir que il a plu à autant de gens. Ça fait vraiment plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une grande épopée du Netophonics et tout. Et après les potards, grâce à François TJP et à ses multiples victoires, enfin, comparé à Gensur et Eva, c'était pas grand-chose. il m'a donné une idée et Anowan m'a autorisé à continuer. Et du coup, j'aimerais les remercier eux tous les deux particulièrement. Merci à Johnny, qui est vraiment un super acteur, qui a beaucoup plus improvisé que suivi le texte, et ça l'a rendu meilleur. Merci à Ran, évidemment, qui a super bien joué, et qui est toujours là pour soutenir tout ce que je fais, toutes mes idées un peu loufoques. Merci à Tuki, qui est toujours là pour moi. C'est vrai, je suis là, je suis collé à lui. Ouais, mais casse-toi. je t'aime. Merci aussi à Dregnael qui a tellement souffert pour essayer de faire Gollum. Et écoutez, je suis content de ce que Dregnael a fait. Et c'était vraiment un plaisir de faire ces enregistrements et de tout monter, mixer, tout ça. Et un petit merci à Chirouvin aussi, qui était le premier que j'avais appelé, qui m'a donné une idée avec Dregnael par rapport à une séquence complotiste assez délirante. Et merci aussi à Istune qui a répondu présent quand j'ai eu besoin de cornemuse. Il me restait 2 jours pour faire le mono, et puis je lui ai demandé, et puis il l'a fait tout de suite, et c'était génial. Du coup, on avait une super cornemuse dans la taverne, la taverne de Kwam, Kwam que je remercie aussi parce qu'il me conseille depuis mes tout débuts, depuis Big City épisode 1, je pense, épisode 2, et j'ai vraiment beaucoup progressé grâce à lui, et merci. Et donc voilà, merci à toutes les personnes qui ont participé. Je suis content que ça ait plu à ce point-là. c'était vraiment le podcast que je m'attendais pas du tout à recevoir, et ça me fait vraiment super plaisir. Merci beaucoup. Je vous fais des bisous partout. Vraiment partout. Bonne soirée. Bonne soirée.